Coco. Dans tout le pays environnant, on appelait la ferme des Lucas la métairie. On aurait su dire pourquoi. Les paysans, sans doute, attachaient à ce mot métairie une idée de richesse et de grandeur, car cette ferme était assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la contrée. La cour, immense, entourée de 5 rangs d'arbres magnifiques, pour abriter contre le vent violent de la plaine les pommiers trapus et délicats, enfermés de longs bâtiments couverts en tuiles pour conserver les fourrages et les grains, de belles étables bâties en silex, des écuries pour 30 chevaux et une maison d'habitation en briques rouges qui ressemblait à un petit château. Les fumiers étaient bien tenus. Les chiens de garde habitaient dans des niches. Un peuple de volailles circulait dans l'herbe haute. Chaque midi, 15 personnes, maîtres, valets et servantes, prenaient place autour de la longue table de cuisine où fumait la soupe, dans un grand vase de faïence à fleurs bleues. Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et moutons étaient grasses, soignées et propres. Et maître Lucas, un grand homme qui prenait du ventre, faisait sa ronde 3 fois par jour, veillant sur tout et pensant à tout. On conservait par charité, dans le fond de l'écurie, un très vieux cheval blanc, que la maîtresse voulait nourrir jusqu'à sa mort naturelle, parce qu'elle l'avait élevé, gardé toujours, et qui lui rappelait des souvenirs. Un goujat de 15 ans, nommé Isidore Duval, et appelé plus simplement Zidore, prenait soin de cet invalide, lui donnait pendant l'hiver sa mesure d'avoine et son fourrage, et devait aller, 4 fois par jour en été, le déplacer dans la côte où on l'attachait, afin qu'il eût en abondance de l'herbe fraîche. L'animal, presque perclus, levait avec peine ses jambes lourdes, grosses des genoux et enflées au-dessus des sabots. Ses poils, qu'on n'étriait plus jamais, avaient l'air de cheveux blancs, et des cils très longs donnaient à ses yeux un air triste. Quand Zidore le menait à l'herbe, il fallait tirer sur la corde, tant la bête allait lentement. Et le gars, courbé, haletant, jurait contre elle, s'exaspérant d'avoir à soigner cette vieille rosse. Les gens de la ferme, voyant cette colère du goujat contre Coco, s'en amusait, parlait sans cesse du cheval Isidore, pour exaspérer le gamin. Ses camarades le plaisantaient. On l'appelait dans le village Coco Isidore. Le gars rageait, sentant naître en lui le désir de se venger du cheval. C'était un maigre enfant, haut sur jambes, très sale, coiffé de cheveux roux, épais, durs et hérissés. Il semblait stupide, parlait en bégayant, avec une peine infinie, comme si les idées n'eussait pu se former dans son âme épaisse de brute. Depuis longtemps déjà, il s'étonnait qu'on gardât Coco, s'indignant de voir perdre du bien pour cette bête inutile. Du moment qu'elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir. Il lui semblait révoltant de gaspiller de l'avoine qui coûtait si cher, pour se bider paralysé. Et souvent même, malgré les ordres de maître Lucas, il économisait sur la nourriture du cheval, ne lui servant qu'une demi-mesure, ménageant sa litière et son foin. Et une haine grandissait en son esprit confus d'enfant, une haine de paysan rapace, de paysan sournois, féroce, brutal et lâche.